chéri, wap e fèm pase mizè. On e jan mwenè, pitiè pou ti papa. Le nom te fait grimper, tu que moi c'est petit cœur. Senti moins délire.